Ah, voilà monsieur le marquis. Ah, pardon. En effet, monsieur le marquis vient d'entrer. Il a 50 ans, il est extrêmement sympathique et distingué malgré son ventre important. Il parle d'abondance, avec beaucoup de charme. Il est visible qu'il a commandé à l'escadron. Bonjour, madame la boulangère. Je suis madame le marquis de Venel, chef d'escadron à la retraite, mais taillard en activité. C'est vous dire que je suis très sensible à l'éclat de votre visage et que je vous suis profondément reconnaissant de bien vouloir être si père. Ceci dit, je vous présente mon berger. Approche. Le berger s'avance. C'est un grand beau garçon de type italien. Très brun, les dents très blanches, les cheveux frisés. Il paraît timide et baisse les yeux. Il se nomme Dominique. Ce Dominique viendra le mercredi et le samedi, muni du sac que vous voyez, pour prendre 30 pains. Il faudra donc, boulanger, que tu me fasses ces 30 pains deux fois par semaine, en plus de ta fournée quotidienne. Et le samedi, si tu avais une douzaine de croissants ou de brioches, j'espère que cette déesse ne verra pas d'inconvénient à les mettre dans mon sac. Le boulanger s'incline respectueusement. Oui, monsieur. Monsieur le marquis. Bien, monsieur le marquis. Si je te parle de croissants et de brioches, c'est que dans mon château, qui n'est en réalité qu'une ferme, mais castellisé par ma seule présence, j'héberge en général trois ou quatre dames de petite vertu que j'entretiens dans un luxe rustique pour le plaisir de mes vieux jours et le dévergondage de mes bergers. Parfaitement, monsieur le marquis. Ah non, pas parfaitement. Ce n'est pas l'avis du curé. Enfin, pour ce qui est de ta note, il te la réglera tous les samedis. Bien. Ah, détail pratique. Comme pour donner 30 pains, il faut au moins 10 minutes. Dominique ne viendra qu'à midi, pour ne pas faire attendre vos clients. Mais pour aujourd'hui, c'est lui qui va attendre. Dominique, mets-toi dans ce coin. Le berger obéit. La boulangère le regarde à la dérobée. Ah, monsieur le marquis, je crois que ça y est. Le boulanger prend au-dessus de sa tête la pelle à longs manches. Il ouvre le four et commence à ramener de longs pains dorés. Le marquis s'est approché. Ça sent bon. Allez. Et il est bien cuit. Tout à coup, un gros chat noir surgit d'un panier et va se frotter contre le mollet du boulanger. Oh, qu'il est joli, ce chat. Il est à toi? Eh oui, c'est Pompon. Vous savez, monsieur le marquis d'Azur, boulangerie, c'est nécessaire, ça. Parce qu'avec les rails, vous mangerez tout le bénéfice. Alors... Pompon et sa femme Pomponette, ils m'économisent au moins 10 kilos de farine par jour. Ah, mais tu as la charte aussi. Oui, enfin, c'est-à-dire que je l'avais, mais depuis 3 jours, elle a disparu. Attention qu'on ne t'en fasse pas un civé. Oh, qu'il ne soit. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais c'est pas possible, ça. Oh, mais non, boulanger. Ici, il y a tellement de lièvres qu'on ne sait plus qu'en faire. On ne te mangera pas ta charte. Oh, d'ailleurs, je sais pourquoi elle est partie, vous savez, oui. Cette nuit, sur le toit, j'ai entendu ce qu'elle disait. Mais elle reviendra quand ça lui aura passé. Ah, bien. Le marquis se dispose à partir. Comment t'appelles-tu? Castagnier aimable. Oh, oh, c'est charmant. Le poète a dit, et mi castané sont mollens, et précis copia lactis. Mais ça n'a aucune importance pour aujourd'hui. Eh bien, tant mieux. Pardon. En passant devant la boulangère, il salue fort galamment. Madame, le pain touché par vos belles mains sera reçu chez moi comme un présent. Au revoir, aimable boulanger. Au revoir, monsieur Marc. Au revoir. Laissez-moi passer, je vous prie. C'est distingué, ce marquis, hein. J'ai plus 30 kilos, hein, tu vois. Nous suivons le marquis dans la rue, où il rencontre monsieur le curé, qui lit son bréviaire. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, monsieur le marquis. Eh bien, monsieur le curé, nous avons un boulanger. Et de plus, il s'appelle Aimable. Saint Aimable, ou Saint Amable, fut un grand saint qui vécut aux environs de l'an 742. Il fut remarquable par l'austérité de ses mœurs. Et s'il avait été curé de notre village, il n'eût pas toléré que l'un de ses paroissiens vécût en compagnie de plusieurs femmes comme un véritable mormon. Oh, monsieur le curé, ce sont mes nièces. Vous oubliez que je suis votre confesseur. Si vous ne l'oubliez pas vous aussi, toute conversation mondaine devient impossible. Je dis à tout le monde que ce sont mes nièces. Mais personne ne le croit. Et l'exemple que vous donnez est très dangereux. Non, monsieur le curé, non. La débauche n'est pas un péché gratuit. Les exemples dangereux, ce sont les exemples qui sont à la portée de toutes les bourses. Les péchés qui exigent des rentes ne peuvent se répandre que parmi les rentiers. Or, nous n'avons ici que des paysans. Et contre les dangers de mon exemple, la pauvreté leur tient lieu de vertu. Affreux blasphème.